On the Rocks. C'est une émission vraiment pour le peuple. On the Rocks, même à l'envers, On the Rocks, on peut la faire. Rock, pop, folk, radio show depuis 1992. www.onzerocks.net. Ouais! Y'a qu'à mettre tout à fond, que je vous fais chier à laisser vos mères. Tu crois que ça va être? Tout à fond! Le rock, c'est tout à fond! Rock and roll. I'm the gun, I bet you know. On the road. Rock and roll. Oh, j'ai une pêche, les gars. Woo! Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, c'est Manu qui n'est pas seul ce soir dans On The Rocks puisque j'ai la joie et le bonheur de recevoir à nouveau Sylvain Trémaux des Soccer Fever qui vient prendre une petite trempe dans une battle ce soir. Il a pas compris, il revient. Peut-être comprendra-t-il ce soir. Schlack. Bonsoir monsieur. Salut Manu. Ça fait plaisir de te revoir ici. Mais moi aussi ça me fait très plaisir de venir. Ça faisait très longtemps. La dernière fois où je t'ai vu, je t'ai quitté en plein milieu d'un concert de Kiwi Junior. Oui. Tu étais encore vivant, ça s'est bien terminé? Je crois, oui. Je suis revenu en un seul morceau en tout cas. Très bien, on reparlera de Kiwi Junior dans On The Rocks avec une interview à venir. Interview de Pete Blom la semaine prochaine dans On The Rocks. C'était sympathique ça. Ouais. Voilà, et ce soir donc c'est la battle avec un thème, on en reparlera juste après. Mais pour l'instant nous allons commencer avec un morceau qui est une nouveauté. Que dis-je, une nouveauté? Une exclusivité mondiale. Une avant-première, tu veux dire? Une avant-première mondiale, tirée d'un très bel objet que je tiens là dans mes mains. C'est un morceau qui risque de fédérer contre lui la Fédération Française des Junkies. Peut-être, oui. Qui peut-être ne seront pas contents. Mais nous, on prend des risques ici, on dénonce. Voilà, donc c'est un extrait d'un album qui s'appelle New Phase, on dit comme ça? Oui. C'est très bien, je te laisse annoncer le morceau, peut-être? J'ai cru comprendre c'est tout à fait ça. C'est tiré du prochain album à venir. Alors la date, on en parle bientôt là. Ça va venir. Il y a des singles qui devraient être diffusés. Ah, est-ce que c'en est un celui-là? Oui, c'est un single ça. Ouais. Très bien. C'est une très bonne idée. Ouais. Donc l'album des Soccer Fever à venir s'appelle New Phase. J'ai cru comprendre que l'ingénieur du son, producteur, guitariste et compositeur en est satisfait. Oui. Et il va nous en parler juste après le morceau. S'il l'en plaît. Ouais. C'est parti. Vous êtes dans On The Rocks. Voici les Soccer Fever. Et ça, c'est quand même bien. Ça y est, je peux enfin diffuser des extraits de cet album qui est vraiment très, très, très, très bien. On en reparle juste après. Ça fait à peu près ça. Let me down. Vous êtes dans The Rock ce soir, et ou ce matin si vous écoutez ça en différé, c'est possible. On avons à l'instant le groupe Martha, c'est une nouveauté avec Hobbs Gets Harder, du petit punk à roulette sympathique. Ouais, c'est chouette. Et puis juste avant, c'était un extrait du très très bon album, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est le guitariste, hein. Moi je me permettrai pas, de Sokoi Fever, avec un morceau qui s'appelle Junkie Lies, le morceau c'est New Phase. Ça fait partie des sommets de cet album qui en compte beaucoup. Donc c'est vraiment un très très très bon cru, et je crois que toi tu dis pareil. Bah moi j'aime bien ce disque. Oula, je brage le micro. Faut mettre des petites bonnettes. Mais oui, il n'y a plus de bonnettes les gars. Bah, c'est le Covid. Bah, oui, je suis plutôt fier de ce disque, du résultat. Voilà, c'était du boulot. Sur la conception, enfin sur la... Comment dire, l'écriture, rien de nouveau, c'est voilà la continuation de ce qu'on fait depuis un certain temps. Ouais. La mise en place des chansons, elle s'est faite de manière classique pour nous, hein, voilà, en groupe, voilà, les chansons que j'amène, et puis on les arrange un petit peu ensemble, on les rôde un peu en répète, en concert, et puis on enregistre. Mais le petit pas supplémentaire, ça a été sur la réalisation. Sur le mixage, voilà, sur un peu plus de peaufinage dans ce qu'on appelle l'édition, le choix des prises, etc. Enfin, voilà. C'est des petits détails, hein, une suite de petits détails significatifs dans la façon de monter la mayonnaise, quoi. Bref, je vais passer les détails techniques, mais voilà, sur des choses qui concernent la voix, qui concernent la base. Vraiment, c'est de la patouille technique après, quoi. Alors, c'est une patouille assez efficace parce que, les morceaux de cet album, et en particulier sur le morceau qu'on a entendu, j'adore cette espèce de pont apaisé qui est une sorte de tournerie derrière la basse là, fait mal. Et voilà, ça c'est un vrai régal, quoi. Ouais. Bah il y a ce jeu avec l'écho aussi, mais qui est un truc ancien. Ouais. Ça j'aime bien jouer avec l'écho, donc ça c'est une petite distraction que j'aime bien. Je passe du temps, tu sais, à faire des automations, à dire l'écho il part à tel moment, et en l'occurrence sur ce pont-là, tous les petites bidouilles, les petits, c'est juste la dernière note de guitare qui part dans l'écho, qui rebondit, qui est traitée différemment. Mais c'est au départ il y a une impulsion, c'est la dernière note de guitare en fait. Voilà, mais c'est anecdotique sur. Bah, c'est anecdotique, mais c'est efficace du coup. Merci. Donc cet album, quand est-ce qu'on va pouvoir se le procurer? Alors. On a attendu des mois et des mois, quasiment un an, pour avoir les vinyles, qui ont fini par arriver il y a quelques mois, donc ils sont dans notre local, dans les cartons. Le CD, on l'a depuis le début d'année, quasiment. On a sorti un live l'année dernière, ou je ne sais plus quand, précisément, peut-être début d'année, je ne sais plus, une espèce de compile anniversaire de titres très récents, d'ailleurs, qui sont sur le disque, et de choses plus anciennes. Oui. Enfin, une espèce de méli-mélo comme ça d'un peu toutes les époques. Ce disque, il n'a pas eu d'écho, puisque ça, voilà, sur Internet. On n'a pas fait de concert en Danzer Rock. Il y a eu d'écho dans Danzer Rock. Il y a eu d'écho dans Danzer Rock, merci. On a lancé une contribution, comment on appelle ça? Un crowdfunding, yeah. Pour impulser quelque chose autour de la sortie de cet album-là. Il y a eu quasiment zéro retour. C'était une manœuvre publicitaire presque, hein, pour amorcer un truc, ouais. En disant, bah voilà, puis ceux qui veulent c'est une façon de le prendre en précommande, enfin voilà, sachant qu'il était déjà bouclé, déjà fini, etc. Mais c'est un peu le jeu. Il n'en est rien ressorti en fait. Là-dessus, on n'a pas fait de concert. Samuel, il est pas mal occupé depuis un an à droite à gauche. Faudrait qu'il se foule la cheville pour bien faire. Peut-être. Ouais. Là, ça fait plus d'un an qu'on fait des nouvelles chansons, en fait, pour un futur disque, qu'on n'a pas de concert. Donc, il n'y a pas une présence physique du groupe, même si on est actif, on fait des choses. Donc, c'était un peu délicat aussi de sortir le disque comme ça. Cela dit, les prochains concerts vont pas être pour tout de suite, ça va être début d'année maintenant, oui. 2023. Bon, il faut quand même qu'on le sorte. Il est là, il est bien. Bah, il est là, il est beau. En plus, il est beau. Il est beau dedans, mais il est beau. Ouais, la pochette est vraiment la pochette est très belle. Ouais. C'est Patrice qui nous a fait la pochette. Ah, Sokoï Fever, New Phase. Alors évidemment, dès que j'ai le feu vert, bah, j'inonde. Dans The Rock, c'est voilà, c'est un très très bel album. Donc merci. Bah, merci à toi, parce que ça c'était vraiment très beau. Mais bon, moi je te dis merci parce que je suis gentil, mais maintenant ça va être l'heure de la trompe, puisqu'il est 19h13 et que c'est déjà bien entamé. Alors le thème ce soir de notre battle, le principe est simple, comme d'habitude, un titre chacun son tour, avec un thème donné, et l'autre valide ou pas, mais généralement valide parce qu'on est quand même sympathique. Et le titre ce soir, le thème ce soir, pardon, c'est « Suicide commercial ». Et il y avait de quoi faire. Alors on vous a épargné. Alors tout de suite, quand tu m'as dit le thème, j'ai tout de suite pensé à Lou Reed et toi aussi, je crois. Moi aussi, mais avec je me suis pas son privé, album. Voilà, Metal Machine Music. Et voilà. Donc on va commencer. On va commencer par quoi? Qui c'est qui commence? C'est moi qui commence. C'est toi. Bah oui, c'est l'invité. Ah bah. J'aime tenir. Bah oui, mais oui. Quelque chose de frais alors. Pour quelque chose de frais. Quelque chose de d'océanique. Les Beach Boys. Ah voilà. Ah, les Beach Boys avec. Un archétype de suicide commercial, je trouve, l'album Pet Sound, quand même. Oui. Donc l'album Pet Sound, sorti en 66, qui entre-temps est devenu une référence, hein, on peut le dire quand même, y compris pour les Beatles d'ailleurs. C'est vrai. Ce petit groupe que tu chéris tant. Ça m'arrive. qui mine de rien a été mis au défi par ce disque-là et qui en est ressorti avec Sgt Pepper Près. Et boule de neige et à chaque fois enfin oui, voilà dès qu'un sortait un disque l'autre était vert. Les deux groupes se tiraient la bourre à cette époque-là. C'était à qui sortirait le truc le plus. C'est nous qu'on a gagné. C'est les Beatles qu'on gagnait. Ça se peut. Oui, ça se pourrait. Ouais. Je reconnais. En tout cas, bah, l'histoire commence. Avec une bonne déprime de la part de Brian Wilson, qui était la tête pensante des Beach Boys, en tout cas la locomotive créatrice du groupe. Donc fin 65, il est vraiment rincé, quoi. Il est cramé, ouais. Il est cramé, sa santé mentale commence à être très chancelante. Les fils se touchent. Les fils se touchent. Il y a des signes avant-coureurs. Je ne sais pas si on peut parler de schizophrénie ou en tout cas de troubles assez sévères. Donc il dit faut que je fasse un break là. Je peux plus. Donc il convient avec le reste du groupe de préparer le prochain disque, donc qui sera Pet Sounds, pendant que les autres vont faire leur tournée en l'occurrence en Asie. Donc on trouve un remplaçant pour tenir la basse et chanter, faire les harmonies sur scène. Et puis pendant ce temps, donc on est à l'hiver 65-66, Brian Wilson lui reste à Los Angeles pour préparer le terrain en fait. Donc il commence par trouver un et puis là alors il a envie d'autre chose quand même. Oui, c'est ça. Il a envie les filles, le surf, ça commence à. Voilà, c'est ça. Il a envie d'un truc plus sophistiqué, plus profond. Ça fait déjà quelques années que le groupe est très a beaucoup de succès avec des choses très légères. Effectivement, la plage, les bagnoles, les gonzesses. Il a envie d'autre chose, de plus adulte peut-être, de plus sérieux, de plus profond. Et puis, on parlait de la mini compète avec les Beatles. Il a été vachement impressionné par Rubber Soul. Oui. Avec à raison. À raison, bien sûr. Ouais. Avec un truc très très cohérent. Enfin, un album. On peut pas parler de concept album encore, mais quelque chose de très très cohérent. Dans sa fondation et dans l'ensemble qu'il propose. Il trouve ce parolier Tony Asher en l'occurrence. Qui va écrire des choses très très différentes, déjà avec de la mélancolie, enfin voilà, un regard sur l'enfance disparue, enfin des choses qui détonnent par rapport à ce que faisait le groupe avant. Et puis sur la musique. Et là, tout ça pendant que les autres font des cocktails. Là, les autres, pendant ce temps, les autres, ont leur vie de tournée à des milliers de kilomètres. Et puis donc sur la musique, là, il y a une ambition vraiment. Révolutionnaire. Il a vraiment envie de changer le truc. Quoi. Il avait vraiment envie de sortir de révolutionner le rock en fait. Donc il s'entoure de musiciens d'exception, la crème des musiciens de Los Angeles, qu'on appelle le Wrecking Crew. Mm-hmm. C'était les musiciens qui accompagnaient Frank Sinatra, qui jouaient sur les albums produits par Phil Spector. Donc c'est que des énormes pointures. C'est pas des rockers, hein. C'est des gars qui savent jouer. C'est des musiciens de studio qui sont capables de jouer dans la seconde ce qu'on leur dit de jouer. de éventuellement faire des propositions. Enfin, voilà, c'est vraiment d'énormes pointures. Donc, l'enregistrement, commence. Je conseille de voir d'ailleurs le film Love and Mercy, qui est exceptionnel de ce point de vue. C'est les meilleures scènes de studio jamais reconstituées pour un film de fiction. C'est fabuleux. Et on voit justement la production de l'album. Donc, bah voilà, là, petit à petit, les orchestrations se font. On est dans un truc qui brise les codes classiques, quoi. C'est un mélange de pop, de musique classique. C'est un bien grand mot, mais il y a des hautbois, il y a des flûtes. Enfin, tout est permis, quoi. Et on est loin du guitare basse batterie classique. Et quand il y a de la batterie, on est sur des choses sophistiquées, quoi. Voilà, donc pendant quelques semaines, la base prend forme, et puis les copains rentrent de tournée en disant bah alors, cassons les gonzesses dans les chansons. Alors qu'est-ce que ça donne? Bon bah Brian Wilson, lui, il est dans cette dynamique, il est enthousiaste et tout ça, donc il fait écouter tout ça aux autres. Il s'assoit. Et là, il s'assoit et il prend une petite claque parce que l'accueil est mitigé, quoi. Et assez inégal selon les membres. Il y en a un qui fait la tronche, vraiment, c'est Mike Love. Et lui, de toute façon, c'est un con. C'est ça ce que j'allais dire. voilà, il disait, où sont les tubes? Qu'est-ce que c'est que ces paroles? En plus, il y a des paroles qui ont des allusions sur l'usage de stupéfiants. Donc ça plaît pas du tout à Mike Love, qui lui est très rigoriste de ce point de vue-là. Bon, malgré tout, les voix sont ajoutées, hein, avec la formule classique, ces harmonies propres aux Beach Boys. Le disque sort très rapidement, hein, en quelques semaines. À l'époque, c'était plié. Il y a alors en plus cette pochette que je trouve pas extrêmement vendeuse. Ah non, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Le groupe en train de nourrir des biquettes. En l'occurrence, zoo de San Diego. J'ai découvert ça en préparant un petit peu. Là, on se demande quand même. On se demande quand même. Qui a eu l'idée? Qui a eu cette idée? Et qui a validé, surtout? La pochette, elle est moche. Quoi, elle est terrible. Ouais. Donc, c'est quand même le groupe prend un risque, hein, quand même, d'être en rupture complète avec le public teenager qui le suit. Et effectivement, le disque va pas se vendre des tonnes par rapport au succès. Alors, ça reste les Beach Boys, hein. Bon, tout est relatif, évidemment. Mais commercialement, c'était une petite claque. Après, le retentissement artistique, il a été énorme. Ouais. Y compris sur les Beatles, ouais, c'est anglais. Enfin, ouais. Voilà. Et c'est évidemment un disque de référence. À l'époque, voilà. Petite claque commerciale. Ouais, ouais, ouais. Putain, c'était bien comme histoire. Ce soir, c'est le père Castor. C'est très bien. Petites histoires. Ça fait du bien. Ouais. Et c'est parti. Will It Be Nice, ouais. C'est la chanson qui ouvre le disque. Et puis c'est le tube du disque. C'est le tube, ouais, c'est le tube. Et ça fait ksh. Oui. Ah, c'est parti. Gonna make it that much better when we can say goodnight instead. aurait vu Suicide plus moche. Oui, hein, c'est joli. C'est hein. Un joli Suicide. Ouais. Donc ce soir, c'est Suicide commercial, le thème d'On The Rocks. Et là, c'était les Beach Boys, évidemment. Très bon choix. Alors, donc ça n'a pas marché du tout. Pas si... trop. Pas moins que les autres, ouais, quoi. Moins voilà, que les autres, beaucoup moins que les autres, oui. D'accord. Bon, alors maintenant on va faire un petit bond dans le temps. Peut-être que je t'ai coupé, je vais te couper l'herbe sur le pied. Là, c'est possible. J'ai vu des trucs, je sais pas. On va vraiment faire un bond dans le temps puisque là c'était il y a pas si longtemps. Généralement, un suicide commercial, ça vient d'une idée, qui paraît géniale et qui commercialement est une idée à la con. C'est quand même souvent la règle du jeu. Qui trompe pas son public, quoi. Et qui trompe pas son public, mais là pour le coup. Là, c'est une idée qui est à la fois géniale et qui à la fois commercialement est une catastrophe. C'est Beck qui l'a eu. Ah mais tu me coupes l'herbe sous le pied. C'est possible. C'est Beck en 2012. Alors il s'est dit qu'est-ce que je pourrais faire. Ouais. Qu'est-ce que je pourrais faire un peu d'original parce que toujours un peu un gars en recherche tout ça. Alors voilà, il a eu des gros tubes au tout début de sa carrière. Il est passé par l'acoustique, il est passé par des trucs très produits à Noël Goldrich, c'est ça le producteur. Voilà, il a un petit peu fait plein de choses. Et là, il s'est dit qu'est-ce que je pourrais faire. Alors il compose un album. Comme d'habitude, paroles, musique, tout ça, plein de chansons super chouettes. Cet album s'appelle Song Reader. Le gars qui lit les chansons. Et c'est pas pour rien qu'il l'a appelé comme ça, puisque cet album sort, mais non pas sous forme de musique, mais sous forme de partition, de songbook, comme on dit, ouais. C'est comme ça qu'on dit. Ouais. Donc voilà, c'est, vous savez, les partoches qu'on trouve chez les musiciens, les magasins de musique, là, voilà, avec, il y a toutes les chansons des Beatles pour jouer avec un doigt, bah là, celui c'est pareil, sauf qu'il sort les partitions, il dit, bah voilà, c'est à vous de jouer l'album chez vous. Vous êtes musicien, donc vous jouez l'album. Alors évidemment, je pense que la maison de disques a dû se dire, mais pourquoi? Pourquoi nous? Et donc lui, il en a pas démordu, il a dit non, je sors ça et c'est mon dernier album et à vous de jouer. Alors bon, il a dû avoir quelques réunions au sommet, il a dû se faire un peu remonter les bretelles, il a dû se dire quand même, c'est con, j'ai quand même quelques bonnes chansons là-dessus et personne ne les entendra jamais ou massacrer. Par Sylvain Trémaux. Donc, ou Manu Bordier. Ou Manu Bordier sous la douche. Donc, quelques années plus tard, je crois que c'est 2-3 ans plus tard, l'album est sorti. Mais alors, on trouve Beck sur un seul morceau et c'est une palanquée d'artistes qui reprennent chacun un morceau de cet album de Beck. On va se passer le morceau chanté par Jack White. Je vous conseille vraiment, encore une fois, le dernier album studio de Jack White qui est une merveille. Pourtant, voilà, je ne suis pas toujours, mais là, l'album est vraiment fantastique. En tout cas, là, comme suicide commercial, c'était pas le mal, c'est-à-dire sortir un disque, mais pas sous forme de disque. Est-ce que Jack White a dû acheter des partoches ou c'était fourni? Bonne question, c'est ça. En tout cas, je sais pas s'il joue vraiment ce qui est écrit sur la partoche, mais c'est plutôt pas mal. Ça s'appelle I'm Down. C'est pas un morceau des Beatles, mais ça pourrait être. C'est parti. Town is a nuisance. It put my backbone all in a ruin. And with the area code of a truant, I'm fluent in the hazards of love. Listen, I get a warrant to a billy goat. I fix the spelling on a suicide note. I get welcome from the Holy Ghost. To a beggar who smells like a rose. I'm down and I feel like a loner. There's a skyscraper city below her. I wanna feed my heart to a cobra. Cause nothing ever happens to me. Like a blessing disguised as a curse. Like a sermon that's run out of words. Like a curse that can't keep any birds. I can't keep my arms around you. I'm down. Debutante in a tank top, who's teaching me how to be free? Okay. personal ad. Like a knife in a broken back. Learn to love what you can't get rid of before it gets rid of you. I'm down. Vous aimez ce que vous venez d'entendre, Beck interprété par Jack White qui sauve quand même son album Catastrophe commercial. Eh bien, c'est un peu la même ambiance sur le dernier album de Jack White, donc je vous conseille vraiment c'est d'aller y jeter une oreille. Ouais, bah le dernier vraiment super album de Jack White. Ce soir, c'est avec Sylvain Trémo dans On the Rocks From the Sokoï Fever pour cette battle spéciale suicide commercial, et c'est à lui de jouer. Eh bien, nous allons parler d'un chanteur inconnu qui s'appelle Beck. Ah bah oui, tu me coupes l'air. T'as raison. Mais le vrai Beck, hein, pas celui qui vend des partoches. Le bon Beck. Hein, le bon Beck, celui qui chante pour de vrai quand même. Hein. Qui avait quand même un certain talent pour casser ses jouets, faut croire, parce que après. Son début tonitruant, c'est ses débuts tonitruants, Mellow Gold, le tube Loser, c'était assez fort. Ben oui, et donc il était propulsé au rang de nouvelles petites merveilles de la scène indie, on disait un peu à l'époque, ça, avec ce mélange un peu hip-hop, foot-rack, pop, folk, psyché, enfin c'était un melting pot hyper inventif. Donc il avait le monde à ses pieds là en 93, et puis grosse attente sur le disque suivant, enfin voilà. Et là, le disque suivant, il portait pas mal son nom, One Foot in the Grave, un pied dans la tombe. Oui. Ça aurait pu être, je me tire une balle dans le pied et je mets le pied dans la tombe, parce que l'idée lumineuse qu'il a eue, c'est de sortir un disque ultra lo-fi quoi, hyper rugueux. Composé de folk song pour certaines antédiluviennes quoi, des chansons de Skip James, une reprise de la Carter Family, des trucs complètement décalés par rapport à l'époque, et puis un choix dans, enfin une option dans l'orchestration ultra radicale quoi, voilà, avec une production limite quoi, où ça chante faux, ouais. Les guitares sont à peine accordées, il y a un côté traînard comme ça, on a l'impression qu'il a enregistré son truc avec Palace, avec ses pantoufles et son peignoir élimé quoi, voilà. Donc ça donne un disque qui se laisse écouter quand même, et qui a marché, qui a pas mal marché, qui a pas été si suicidaire comme ça, ouais. C'est-à-dire qu'il y avait une grosse attente. Voilà, quoi. Emporté par la vague, quoi. Ouais, et puis bon, c'était un. Beck, il est comme ça aussi, je pense. Il est capable de partir dans tous les sens, donc de faire un projet dans un style et puis de revenir un an plus tard avec un truc complètement différent. Là, c'était une petite pause aussi, ouais. Entre deux albums plus calibrés, quoi. Il est revenu et de réunions de réunion de scientologues. Oui. Ah, il est scientologue. Oui, c'est un peu décevant. Ah, je savais pas. Et ben voilà. La scientologie mène à tout, y compris à un pied dans la tombe. One Foot in the Grave, avec ce morceau, Atmospheric Conditions. Voilà, donc si vous connaissez juste Beck avec I'm a Loser, voilà, c'est un suicide commercial. Here. Ah, c'est pas les Beach Boys, hein. C'était Beck, tiré de son album produit par Sylvain, ici présent. Voilà. C'était avant t'as que bien bossé là-dessus. Bien bossé, bravo. Vous l'avez compris, ce soir, à l'écoute de ce morceau, c'était Suicide Commercial. Alors, je passe juste un petit morceau, là, maintenant, en fond sonore. Donc, ouais. C'est juste pour commencer à raconter le prochain Suicide Commercial, parce que vraiment, c'est au-dessus de mes forces de passer ce morceau. Ouais. Je pouvais quand même ne pas évoquer 1968, John Lennon et Yoko Ono. Voilà. Chanteuse. Exact. Et voilà, quoi. C'est elle qui chante. C'est elle qui chante là. Non, mais c'est pas mal. C'est pas mal, mais en fait, c'est une sorte de bonus track parce que c'est tiré d'un album de 68. Alors 68, c'est la période où les Beatles commencent à se tirer un peu dans les pattes de tous les côtés. Et John Lennon et Yoko Ono sont dans une espèce d'osmose un peu qui donnera Revolution 9, hein, quand même, sur l'album blanc des Beatles, la même époque. Et bien, ils décident de sortir un album un peu à eux et ils sont tout nus sur la pochette. Ça s'appelle Two Virgins. Voilà, le sgagalère, les boules, tout ce qu'on veut. C'est d'un esthétisme assez douteux. Je crois que les autres Beatles n'ont pas tellement goûté, en particulier Paul McCartney et George Martin qui s'est mis en PLS pendant une semaine. Et donc, ce sont des deux phases de à peu près 15 minutes où il y a des bruits, des cris, des machins, des trucs. Alors, il y a une sorte de bonus. Alors, je triche, hein, ce morceau-là qu'on entend qui s'appelle Remember Love. Ils l'ont rajouté sur la nouvelle version. Ça a été enregistré à l'époque, mais c'était pas vraiment sur l'album. Mais c'est à peu près ce qu'il y a de seul truc audible, à peu près. Voilà. C'est pas ça que je vais vous raconter ce soir quand même, mais ça c'est un joli suicide commercial quand même. Oui, il faut en parler. Il faut le noter. Ouais. Non, je vous ramène en l'an 2000, et je vous ramène avec Pearl Jam. Alors avec les Beatles et Bruce Springsteen sont les trois mamelles d'On The Rocks. Oui, parce que On The Rocks a trois mamelles. Et Pearl Jam, donc on est en l'an 2000, ça fait 9 ans qu'ils ont sorti leur album 10 qui les a propulsés sur le toit du monde avec des millions d'albums vendus. Eddie Vedder n'a pas très bien vécu cette célébrité, hein, il est devenu un peu alcoolo, c'était un peu compliqué. Ils ont besoin d'un nouveau défi et ils sont surtout heureux sur scène en fait, les Pearl Jam. Et il y a un nombre de bootlegs, c'est-à-dire de disques pirates incroyables qui sortent de chacun de leurs tournées, etc. Ils en ont un peu ras la casquette et ras le short grunge. Donc ils prennent une décision assez étonnante. Alors à l'époque, il n'y a pas internet, hein, voilà, c'est l'an 2000, hein, de sortir un album live par concert. Donc, à chaque fois qu'ils font un concert, c'est enregistré, alors plus ou moins bien, sur Yoko, au revoir. Parce qu'on ne peut pas exagérer. Et voilà, donc, vous aviez l'avantage, comme moi, si vous alliez voir un concert de Pearl Jam, d'avoir le disque qui sortait dans les semaines qui suivaient. Alors, ils ont tous le même packaging, c'est écrit à la main, c'est en carton, mais c'est des vrais CD, avec des vrais boîtiers, avec des vrais digipacks CD. Et donc, il y a un album live par concert. Et les concerts, ils en font des pelletés. Donc là, le suicide, il est pas vraiment artistique, hein, parce que voilà, c'est quand même assez sympa. Surtout que Pearl Jam, c'est comme Bruce Springsteen et Sequoia Fever, c'est jamais les mêmes titres pendant un concert. Ils peuvent jouer 3 soirs de suite et c'est jamais le même ordre, jamais les mêmes titres. Et voilà, ils terminent généralement par les deux mêmes, mais sinon, voilà, sur les 30 morceaux, il y a jamais les mêmes titres. Et puis, mais c'est un suicide commercial au niveau financier, parce que je pense que ça a dû être un gouffre absolument faramineux. Donc voilà, on va se passer un extrait de l'album qui parle du 8 juin 2000, qui s'est enregistré à Bercy. Et donc tu étais présent, c'est toi j'étais. Qu'on entend. C'est moi, alors on m'entend. À 1:12, le gars qui crie, c'est toi. À un moment, le gars qui dit attention, j'ai fait tomber mes lunettes, c'est moi. Soyez attentifs. Donc voici un petit morceau de Pearl Jam, suicide commercial, ça s'appelle Better Man. Her speech as he opens the door. She Beatles. Je vais finir par écouter Pearl Jam. Voilà, je vais t'envoyer une petite sélection de Pearl Jam. Je pense qu'il faut que tu te rabiboches. Ils seront bientôt de retour en concert, je pense, en 2023 en France. Je te conseille d'aller voir un concert de Pearl Jam. Ça va te rabibocher définitivement. Un beau concert aussi à venir, c'est ce mercredi à l'Astro. C'est Delgrez qui donneront un concert. Ça va être chouette. Il y aura une interview on The Rocks. Et on en reparlera. C'est mercredi soir, ce mercredi. Ah là là. Ah, tu peux pas. Grosse semaine. Ouais, mais moi aussi. Semaine. Mais Delgrez quand même. Mm. Ce soir, donc, Sylvain est là, From the Sokoï Fever, avec cette petite thématique qui s'appelle Suicide commercial. Et c'est à toi de jouer. Eh bien, Beck. Beck, grosse semaine. Non, je crois que c'est à moi de te couper l'herbe sous le pied, je crois. Avec Van Morrison. Ah, purée. Astralwicks bien sûr, Astralwicks. Ah, voilà. Bah, voilà. Bah, oui. Ça m'apprendra. M'en fous, j'ai des munitions. Mais bah oui, comment ne pas penser à Astralwicks quand on parle de suicide commercial, quoi. Bah oui. Ouais, Astralwicks. Le plus beau suicide commercial du monde. Ah bah oui, c'est beau. Hein. Ah, c'est magnifique. C'est beau, c'est très beau. C'est pas simple. C'est un disque qui se laisse pas si simplement écouter que ça. Hein. Et ben, c'est pas si compliqué, je trouve, en fait, le matin. Le matin. Au petit déj. D'accord. Ouais. C'est un conseil. Ouais. Bon, ça reste très fréquentable. Je veux dire, on n'est pas dans des. On n'est pas sur Louride. Ah, on y viendra. Mais comme on y viendra, mais comme avec Yoko Ono, en parlant. Okay, 5 secondes, ouais. Voilà. Ouais. Oui. Merci pour mes auditeurs. Donc, Astralwicks, c'est l'album de la maturité, je ne sais pas si on peut dire ça, en tout cas, c'est un tournant pour Van Morrison, c'est le moment où il quitte les Them, le groupe qui l'a fait connaître, un groupe de rock efficace, simple. Gloria, voilà, avec ce tube, ouais, Gloria, c'était pas rien quand même, les Them. Van Morrison, il aurait pu, même en quittant les Them, capitaliser un petit peu sur ce truc-là, surfer un peu sur la mode d'un rock qui se durcissait. Il avait l'organe pour des trucs puissants, costauds et tout. C'est sorti en 68, Astralwicks. C'est ça. L'année où les guitares se durcissent aussi un peu. C'est Cream, Hendrix, enfin voilà. Et lui, il envoie tout balader, quasiment. Il trouve un flutio, il trouve un gars qui fait de la contrebasse, il prend des musiciens comme ça, de jazz. Alors, un peu l'inverse de Beck, il leur dit à peine en quoi consistent les chansons. Il leur dit pas, je crois. Ouais, il leur dit jouer. Il jouait, alors il donne quand même vaguement la trame harmonique, mais l'idée c'est qu'ils improvisent. Et puis lui, il a une vague idée de ce qu'il doit chanter, donc il peut répéter en boucle la même phrase pendant des plombes, tâtonner autour d'une mélodie, la faire varier, enfin voilà, quelque chose comme ça d'un peu hypnotique. Ça donne un disque, alors très, on l'a dit, très beau. Moi j'ai toujours l'impression d'une note sans fin, d'un truc comme ça, un peu en apesanteur. Ouais, alors il y a quelques morceaux, celui que tu vas passer là, que tu vas diffuser, il y a quand même quelques morceaux un peu plus structurés. Un peu plus catchy, Où on peut reconnaître une mélodie, mais il y a quand même des morceaux qui sont des morceaux de funambule. Oui, c'est ça, ouais, c'est très évanescent. Des morceaux assez longs d'ailleurs, ouais. Ça a des trucs qui durent 7 minutes, mais qui pourraient durer une demi-heure, ce serait pareil. D'ailleurs, je ne savais pas, mais en lisant un petit peu. La plupart des chansons telles qu'on les connaît sur le disque résultent de montage, en fait. C'est les gars qui montent. Le groupe improvisé, et puis après au mixage, hop, on coupait certains passages. Ça se faisait déjà, et ça se fait encore plus maintenant. Ouais. Voilà, donc Sweet Thing, effectivement, ça se laisse écouter. Hein, magnifique. Ouais, moi, ça fait partie de mes albums favoris, vraiment. Ouais. C'est devenu le disque mythique par excellence de Van Morrison, quoi. Je me souviens qu'il y avait une sorte de sondage à la Mormoelle 2, comme il y en a parfois, où ils avaient demandé aux Anglais de classer leurs meilleurs albums de tous les temps. Donc tout le monde s'attendait à un Stones ou un Beatles en premier. C'est Astralwicks qui est arrivé en premier. Et donc après, il va revenir à des choses avec Night Girl, des choses vraiment beaucoup plus commerciales. Vraiment, l'adjectif qu'on peut accoquiner à cet album, c'est état de grâce. Ça pourrait se casser la gueule dans tous les sens et tout fonctionne. Tout. Ouais. Même le gars qui dit tiens, je vais faire un petit coup de flûte là, c'était pas prévu, mais je le tente. Ouais. Tout marche. Avec des dissonances quand même, avec ce son de contrebasse là qui vient frotter un peu les oreilles parfois, on se dit mais Ouais, mais c'est tellement contrasté par la voix de Van Morrison qui là est d'une, enfin incroyable. Hein. Ouais. Vous allez pouvoir écouter ça, puis ça a marqué des générations de musiciens anglo-saxons. Glenn Hansard s'en est jamais remis vraiment. Voilà, je vous conseille vraiment cet album si vous le connaissez pas. Je vous envie. C'est vraiment un album fabuleux. Merci Sylvain pour ça. De toute façon, si je l'avais pas diffusé, j'aurais diffusé moi. Ça s'appelle Van Morrison Sweet Things. C'est 1968. C'est un beau suicide commercial. Ça a pas marché. Ça n'a pas marché non. Et bah voilà. Mais c'est considéré comme c'est bizarre. Ça fait partie souvent quand même. Ça fait partie de ces disques qui ont marqué les autres musiciens aussi, voilà, et c'est qui ça. Sont devenus des références quoi. Et on a ça dans le cinéma aussi des fois. J'ai revu La Nuit du Chasseur que j'avais déjà vu, mais qui n'a pas marché, donc qui a été un film unique de son réalisateur et qui est maintenant considéré comme une merveille absolue à raison. Ouais. Et ben voilà, voilà une autre merveille. Ça s'appelle Sweet Things, Van Morrison, et les gars improvisent derrière. Et moi si j'improvise, ça fait pas ça. Gardens all wet with rain. Van Morrison à l'instant. Très bon choix de Sylvain Trémaux avec Sweet Thing. Oui, le même Van Morrison qui fait des disques de vieux ronchons maintenant, qui dit que les écrans c'est pas bien et que les jeunes ça fait du bruit. Il avait 23 ans quand il avait enregistré ce disque. Ouais, il a la voix, ouais, incroyable. C'est dingue. Ah oui, non, je savais pas. Donc effectivement, ouais. Mais il a commencé les M, il avait quel âge? Bah, comme tous les gars de cette époque. 17, quoi, ouais. 18. À peu près, ouais. Ouais, 23 ans, ok. Vous savez que l'émission On The Rocks fête ses 30 ans cette année. Voilà, il va y avoir une petite émission spéciale avec des petits morceaux spéciaux. D'ailleurs, mon cher ami, tu te souviens de ça? Oui, je me souviens. Tu te souviens que maintenant, là. Ouais, je renvoie des petits messages à tout le monde. Non, donc, je l'ai bien en tête, mais... Oui, ça s'approche, hein. Mois de décembre. C'est décembre. Oh là, ouais, décembre, ça va. Ça va. On est bon, là. Ouais. Et donc, c'est le moment de se replonger dans le petit rétroviseur des 30 ans dans The Rocks. On se fait ça à peu près toutes les semaines. On en parle et ça rentre dans le thème. Et puis voilà, je voulais te faire plaisir ce soir, tu vas voir. C'est parti, c'est les 30 ans. Si ça part. Ça part comme ça? Pas comme ça. J'ai eu 30 ans. Happy birthday to you. Radio show depuis 1992. Moi aussi je vais être le chien de On The Rocks. C'est pour les chiens, pour les animaux, pour les enfants, pour les vieux rockers, pour les jeunes rockers, pour les... C'est une émission vraiment pour le peuple. Rock on, motherfuckers, on the rocks. Eh ben oui, parce que ce soir, on va se replonger dans un souvenir pas si lointain. C'est une interview que j'ai eu la chance de faire, et je crois que tu étais là ce soir-là. Oui, tu étais là. C'était un concert d'un groupe qui s'appelait Split Squad. Alors, ça vous dit peut-être rien, mais le guitariste de Split Squad est un guitariste d'un groupe que je considère comme un des meilleurs groupes de tous les temps, qui s'appelait les Plimsolls, groupe qui a fait de la power pop et du rock and roll absolument somptueux dans les années 80. Et là aussi... Monsieur Bourdier, vous dites une bêtise. Qu'est-ce que j'ai dit? Permettre. C'était pas les Plimsolls, c'était les Nerves. Il jouait pas dans les Plimsolls. Ah si, Eddie Munoz. Eddie Munoz. Ah mais oui. C'est Eddie Munoz, guitariste. Là, je suis sur le Eddie Munoz, guitariste oui. Des Split Squad. Ah bon? J'ai dit une bêtise là? Mais bon, si, t'as raison. Je confonds deux concerts. Voilà, en fait. C'est ça. Non, non. Mais oui, parce qu'il y a Paul Collins aussi. Oui, mais tu vas à trop de concerts. Ah, voilà, c'est ça. Donc là, c'était Eddie Munoz. Mais très bien. Et donc que j'ai eu la chance d'interviewer, parce que quand même un gars des Plimsolls avec le son des Plimsolls, je n'ai pas loupé. Et puis puisqu'on parle de suicide commercial, eh bien les suicides commerciaux, ça peut être aussi quand un groupe est en pleine ascension et qu'ils vont atteindre le nirvana, c'est faire exploser l'appareil en vol et sauter avec un petit parachute rikiki. C'est ce qu'a fait Peter Kay, c'est-à-dire que au moment où l'album des Plimsolls, Million Miles Away, qui s'appelait pas comme ça d'ailleurs. Oui. Il s'appelait comme ça, je ne sais plus, qui est sorti et qui a vraiment cartonné aux États-Unis, surtout avec ce morceau Million Miles Away. Tout s'ouvrait, les portes s'ouvraient. Enfin, ils allaient avoir une renommée que n'avaient jamais eu les Nerves et que n'avaient jamais eu les Plimsolls au début. Et Peter Kay, le chanteur-compositeur, a choisi de s'en aller et de faire des morceaux, alors pas à la Beck quand même qu'on a entendu tout à l'heure, mais il allait vers plutôt des choses un peu plus folk et un peu plus roots, ouais, et qui fait très bien d'ailleurs, mais qui n'en a pas vendu des paxons. Et voilà, j'ai posé la question un petit peu. On en a causé un petit peu avec Eddie. Hein, moi, je l'appelle Eddie. Monsieur Eddie, de justement cette dernière séance des Plimsolls. Voici donc sa réponse. C'est dans le rétroviseur d'On The Rocks pour les 30 ans. Toujours des petites archives, tout ça, des petites anecdotes de l'oncle de Tom. Donc l'oncle Paul, pardon. Oncle Tom, c'est la case. C'est parti. Et oncle Manu. C'est dans le rétroviseur et c'est un petit peu pour toi, mon cher. Ah, c'est gentil. Million Miles Away was a hit. Million Miles Away, morceau des Plimsolls, c'est un gros hit aux États-Unis, pas ici en Europe, mais énorme aux États-Unis. Vous l'avez joué ce soir, merci pour ça. Quel souvenir gardes-tu de cette période d'énorme succès aux États-Unis? Things were moving pretty well. The record company. Les choses bougeaient très vite à l'époque et dans le bon sens. La maison de disques sortait de grands moyens, ils étaient prêts à sortir le disque suivant. Mais c'est là que Peter a quitté le groupe. Et le disque suivant n'est jamais venu, tout s'est effondré. We'll be right back. disque produit dans les années 80, ça vieillit quand même pas trop mal. Cette chanson, après moi j'ai beaucoup de mal avec cet album-là. Ah oui, ouais, sur la production. L'ensemble, sur, ah ouais, sur les sonorités que je trouve très datées. Après cette chanson, elle est irrésistible quoi. Donc ça passe. Ça passe. Ça mais passe. Je vous conseille l'album One Night in America, qui est le live qui est sorti avec un son là pour le coup là, crado qui ne vieillit pas. Et pour moi c'est le meilleur album des Plimsolls. J'ai acheté, d'ailleurs pour la petite histoire, j'ai acheté ce disque après la toute première participation de Scalisse à l'époque à l'émission où tu nous avais diffusé un extrait de One Night in America. Ouais. Et tu ne l'as pas regretté. Ah non, non, c'est un chef-d'œuvre. Bon, alors ce soir, des chefs-d'œuvre, il va y en avoir d'autres puisque Lou Reed va pas tarder à arriver. La thématique ce soir, c'est suicide commercial dans On the Rocks. Là, c'était tuons la poule aux œufs d'or joyeusement avec le départ de Peter Case. Et Peter Case, il a, alors je sais pas si tu l'as vu physiquement. Il a forci depuis longtemps. Il se dégrade. Il a dû manger dans sa barbe et voilà. Il se dégrade. C'est un peu le. Le Gérard Depardieu de la guitare acoustique. C'est un peu ça. Vache. Waouh. J'ai l'image. Ouais. Voilà. Donc alors c'est à toi de jouer. C'est à moi. La palme d'or du suicide commercial, à mon avis, hein, vraiment le champion du monde du suicide commercial, Tony Wilson, et non pas Brian Wilson. Tony Wilson, c'est le créateur, le mentor d'un label fameux qui s'appelait Factory Records, un label qui avait dans son écurie toute la crème de la New Wave de l'époque, de la fin des années 70. Donc le premier groupe phare, c'était Joy Division. Il y a eu New Order, il y a eu les Happy Mondays. Donc c'est une musique ça dépend des groupes, mais qui tire un peu sur le froid hein, plutôt. Oui c'est ça. Dans les débuts, hein, bon. Sur le col roulé un peu. Sur le col roulé, mais sur l'ensemble de ce parcours là, il y a quelque chose que je trouve très beau quoi. C'est un amour immodéré de la musique. Alors, au départ, Tony Wilson, il était animateur télé hein, dans une télé locale. Et puis il a commencé à produire des concerts de punk, hein, c'était fin des années 70. Et puis de fil en aiguille, voilà, il a monté ce label, Factory Records, avec un sens de l'esthétique et je dirais un sens de la gloire assez affirmé. C'est-à-dire qu'il fallait que les choses soient glorieuses en fait, soient belles, même si c'était tout pourri, même si ça sentait un peu la chaussette. Fallait que ce soit du panache qui sente la chaussette. Qui sente la chaussette. Ouais, fallait qu'il y ait du panache. Je conseille de voir le film 24 Hours. Mais toujours pas vu moi. Ah mais faut le voir. C'est fabuleux comme film. Ça retrace justement ce parcours-là avec une partie sur le début centrée essentiellement sur Joy Division, puis la fin plus sur les Happy Mondays. Alors suicide commercial parce que suicide. Mine de rien alors suicide tout court pour Joy Division hein, bon mais suicide commercial parce que l'exploit quand même de Tony Wilson c'est d'avoir fait connaître un vrai succès à ces groupes là c'est-à-dire que les groupes c'était des petits groupes mais qui ont vendu des tonnes de disques et qui étaient connus partout donc, qu'on fait donc, réussite commerciale pour l'instant une réussite artistique parce que tous ces groupes-là étaient des défricheurs quand même hein. Alors qu'on aime qu'on n'aime pas moi c'est pas le style que j'affectionne le plus évidemment mais voilà c'était des groupes novateurs après ça chantait un peu faux c'était pas toujours en place mais c'est pas grave c'était fallait que ce soit vivant fallait que les gens y croient enfin voilà et c'était ils étaient à fond dedans suicide commercial parce que les grosses locomotives du label, donc essentiellement Happy Mondays et New Order, qui vendaient des tonnes de disques, ont coulé le label parce que Tony Wilson, regardait pas la dépense, a dépensé des centaines de milliers de livres pour notamment que les Happy Mondays aillent enregistrer à la Barbade. Alors pourquoi la Barbade ? Parce que les pilules étaient moins chères, non ? Parce que c'est parce que la Barbade c'était réputé être la seule île où on trouvait pas d'héroïne, donc ça permettait que le groupe travaille à peu près sur le disque. Voilà. Alors, ils avaient pas prévu qu'il y avait, il y avait du crack, donc c'était l'occasion pour les mecs de se mettre au crack. Bon. Vraiment, le sommet absolu, je crois qu'on ne peut pas faire plus suicide commercial que ça, c'est quand les Happy Mondays ont sorti un single qui s'appelait Blue Monday. Pas les Happy Mondays, pardon. Les New Order. New Order. Ont sorti un single qui s'appelait Blue Monday. Et la pochette du 45 tours à l'époque était tellement chère à produire que La pochette, ouais, et qu'ils étaient déficitaires. Plus ils vendaient de disques, plus ils perdaient d'argent, en fait. C'est bien ça. Donc au départ, c'est un objet de prestige. Ils s'étaient dit bon, on va pas en vendre des tonnes. C'est vraiment pour encore une fois pour la gloire, quoi. La particularité de cette pochette, c'est elle reproduisait un floppy disk, les disquettes de l'époque. Donc il y avait tout un découpage, voilà, pour faire en sorte qu'on ait l'impression d'avoir affaire à une disquette d'ordinateur. Donc ça coûtait très cher à fabriquer, et donc ils vendaient à perte. Et manque de bol, le titre a rencontré un succès phénoménal. Donc tout le monde l'a voulu. Donc plus ils vendaient, tout le monde voulait l'acheter. Donc plus ils vendaient, plus ils perdaient de l'argent, quoi. Et c'est drôle. Et ouais. C'était que ça. Alors le label a fini par couler au tout début des années 90. À se faire racheter par London Records, donc c'était l'affront, quoi. C'était Manchester, hein. C'était, ouais. Et le problème, c'est que ça a été tout un problème pour transférer le catalogue, parce que les mecs avaient pas signé des vrais contrats, quoi. Ils faisaient signer des contrats en lettres de sang sur des bouts de papier. Et ce côté comme ça, vas-y mon frère, quoi. Mais juridiquement, ça valait rien. Ça tient pas longtemps. Ça valait rien. Donc c'est flamboyant, quoi. Et on retrouve cet esprit-là dans le film, que vraiment 24 Hours Party People, que je conseille. Ouais, j'allais voir. Et puis quand même, deux mots sur le club qu'il avait ouvert, l'Hacienda. Ouais, l'Hacienda. J'y suis allé. Ah ouais. Ouais. Ouais. Et alors l'histoire à propos de l'Hacienda, c'est que le club était blindé, quoi, dans les grandes heures de ce qu'on appelait Manchester. Manchester. C'était rempli tous les soirs. Sauf que ils étaient quand même déficitaires, parce que le public, au lieu de consommer des bières au bar, achetait plutôt de l'ecstasy. Donc c'était pas commercialement top, quoi. Oui. Voilà. Donc pour illustrer cette aventure là, Factory Records, j'ai choisi un titre de Joy Division. On en parlait récemment quand on s'est croisé. On avait des réserves sur Joy Division, sur le son de Joy Division. Effectivement, moi, c'est le groupe que j'aimerais aimer, mais j'ai toujours cette réticence sur la voix. C'est vrai. Voilà. En l'occurrence, c'est un titre live enregistré en France, au Bain-Douche, en 80. Et il y a ce côté brut où la voix est un peu plus rugueuse que sur les disques. Et tu vas voir, c'est différent. Et puis, la basse. Je demande qu'à être conquis, hein. La basse, c'est toujours. Ça fait 40 ans que je demande à être conquis. Tu vas voir. Bon, c'est parti. Voilà. Voici Joy Division dans The Rocks. We'll be right back. Oui, les gens sont contents. Oh, c'est galvanisant quand même. C'est galvanisant. Alors, la section rythmique, hein, quand même. Oh, là, y a des ça groupes, bastonne. Il y a des groupes 1 à la basse, ce soir. Voilà. Oui, c'est vrai. Ouais. Mais bon, alors, mais c'est pas grave, c'est glissons. Ian Curtis, hein. Bon. Bon, bah, ouais. Voilà. Mais non, mais c'est vrai. Enfin, c'était gentil de me programmer ça. Merci. On va continuer dans ce suicide commercial. Alors là, on va passer à quelqu'un qui s'est suicidé commercialement en beauté et comme un peu comme Astral Weeks, ça a donné pour les puristes qui considèrent que c'est son meilleur album. C'était il y a 40 ans. Le bonhomme s'appelait Bruce Springsteen et il avait toujours souhaité la gloire. Il avait mis des mois et des mois et des mois et des mois à enregistrer le seul morceau Born to Run sur cet album après deux échecs commerciaux. Et puis l'album Born to Run avait été un succès phénoménal. Et après, ça n'avait fait que grossir, alors surtout aux États-Unis, mais c'était devenu énorme, et avec l'album Darkness in the Edge of Town qui avait enfoncé le clou, et puis surtout l'album The River, double album qui en avait fait une superstar et presque mondiale déjà à l'époque. Et il était au bord du précipice et du vertige que peut apporter une telle gloire. Il sentait que ça pouvait le faire basculer dans autre chose. On attendait le prochain album avec beaucoup d'impatience. On s'attendait à quelque chose d'encore plus énorme au point de vue succès mondial que The River, qui était déjà pas mal. Et puis lui, il a flippé un peu. Il a décidé de retourner aux sources. Alors il s'est enfermé chez lui, dans sa cuisine, avec je vais pas te faire l'offense de dire le nom du magnéto, enfin des pistes du 4 pistes ou c'était, il y a pas beaucoup de pistes, un peu de pistes, une guitare, une vieille guitare en bois, et puis un harmonica un peu crasse-poingue. Et il a commencé à composer et à enregistrer un album comme ça. Ça ressemble à des démos enregistrées dans une cuisine. Ça a le son de démos. Les morceaux sont parfaits. Et cet album, ça sera l'album Nebraska, un des rares albums où Bruce Springsteen ne montre pas sa tronche dessus. Il aurait mieux fait de faire ça sur celui qui va sortir au mois de novembre, parce que la pochette, la vache. Et donc, ça fait 40 ans. Et juste après, il allait enchaîner avec un album qui lui aurait du succès, parce que Nebraska, ça n'a pas eu un succès phénoménal. Là, au point de vue suicide commercial, c'était pas mal dans le style. Aucun tube, aucun gros morceau, aucun morceau pour les stades. Quelques mois plus tard, il allait enchaîner avec l'album Born in the USA, qui allait tout ravager, qui allait le submerger lui aussi, puisque c'est à partir de cette époque-là que Bruce Springsteen a commencé à souffrir de sérieuses dépressions, qu'il a toujours d'ailleurs, qu'il soigne soit en étant sur scène, soit en allant voir son psy et en prenant des petits médocs qui vont bien depuis 40 ans. Mais là, il était juste au bord du précipice, il n'avait pas chuté encore. Et on va se passer un morceau que vous connaissez peut-être si vous avez le coffret qui s'appelle Trax, qui était sorti, et puis certains comme Mézig l'avaient depuis bien longtemps en bootleg. C'est un morceau qu'il avait enregistré à cette époque-là de Nebraska, toujours avec son pas beaucoup de pistes et sa vieille guitare. Et ce morceau, c'était Born in the USA, qu'il n'a pas mis sur l'album Nebraska et qu'il mettra ensuite de façon 1-2 sur l'album Born in the USA. Voici Nebraska, tu le vois ? Non. Si. Si, bien sûr. Voilà. Si, donc, je connais quand même. Voici, je connais. Voici Bruce Springsteen avec Born in the USA, version acoustique et version Nebraska, mais qui n'est jamais sortie normalement à l'époque. First kick I took was when I hit the ground. Your life and all this must be too much. You spend half your life just occurring. Born in the USA. Born in the USA. Born in the USA. Born in the USA. I got my little hometown jam. And so they put a rifle in my hands. Sunday, the end. Go and kill the yellow man. Born in the USA. Born in the USA. Born in the USA. Born in the USA. Come back on the refineries. Iron Man says, son of it was up to me. Qui va sortir dans les... Hein ? On ne reconnaît pas ? Oh, bah si. Bah il a tout changé après, la mélodie. Si ah oui, oui, le, sur le morceau, oui, oui, le morceau, oui. Bah, il a beaucoup bougé celui-là, hein. Il tourne autour depuis un moment. Bon, Springsteen qui va sortir donc au mois de novembre un album de reprise de musique soul, un peu Motown, un peu obscur. Premier single est assez prometteur. Ouais. Et voilà, il sera en concert au mois de mai, ça c'est la bonne nouvelle. En France, ça c'est la bonne nouvelle, mais à la Défense Arena, ça c'est de la mauvaise nouvelle. Bon, j'y serai quand même, mais ça va être un petit peu tristote quand même. Ça va être l'heure du dernier choix, et oui, ça file pour ce suicide commercial. J'aurais pas passé Lou Reed quand même, Je propose qu'on en passe 7 secondes. Moi j'ai mis un petit extrait d'une minute, si on peut parler dessus en même temps. Celui-là ? Ah, c'est celui-là. Ouais, Metal Music Machine. Alors voilà, donc attention, reculez les enfants. Ouais. Metal Music Machine, c'est un disque, comment dire, complètement barré. Ça vient juste après l'album où il y a Walk on the Wild Side. Non, ça non. C'est Berlin qui vient après. Donc ça, c'est un autre suicide commercial que j'avais préparé aussi, c'est vrai, mais qui est d'un autre genre. Non, Metal Music Machine, c'est un truc... Ah, c'est ça quand même, hein. C'est ça tout le temps. C'est ça pendant 4 morceaux d'un quart d'heure chacun. Ça peut tuer le chien. Alors c'est des Larsen de guitare, des gratouilles de guitare, enregistrés à l'endroit, à l'envers, comme on veut. C'est, voilà. C'est l'album que je vais offrir à ma femme si je veux qu'on se fâche. Voilà. C'est un disque qui est absolument inécoutable. Inécoutable. Hein, c'est pas possible, hein, voilà. Et cela dit, il l'a jamais renié. Enfin, il a. Alors, est-ce que c'est une posture comme il peut avoir, en disant que c'était son chef-d'œuvre absolu et tout ça. Oui, oui. Voilà. C'est quand même un disque qui a suivi son chemin. Il y a des gens qui ont repris ce disque. Hein. J'ai vu ça. Il y a eu des reprises, hein, de gens qui ont acheté la partoche et qui ont réadapté en acoustique même ce disque. Hein. D'accord. Il y a des musées qui diffusent ce disque, dans des dispositifs un peu d'installation, quoi. Il fallait quand même évoquer Metal Music Machine. Oui, j'y ai pensé tout de suite aussi. Bah oui, c'est quand même un archétype aussi du suicide commercial. Il y a à Berlin, j'aurais bien passé un morceau de Berlin, mais bon, faut aller écouter Berlin. C'est sombre, c'est noir, c'est beau, c'est magnifique. Ça parle de suicide, de désespoir, de drogue, d'autodestruction et tout ça, mais c'est magnifique, quoi. Ça s'est pas trop vendu, ça a beaucoup affecté Lou Reed, mais. Mais je vais parler d'autre chose quand même. Les Rolling Stones. Ah, on finit dans la zigounette. Allez, les Rolling Stones. Fallait quand même. Bon, les enfants sont couchés. Oui, on peut y aller. On peut y aller pour Cocksucker Blues, qui est un beau suicide commercial volontaire de la part des Rolling Stones. Oui. Et très beau morceau. Ouais, c'est un bon morceau. Alors un peu fait à la va comme je te pousse, hein, quand même. Donc l'idée de la petite histoire, c'est que les Rolling Stones étaient en fin de contrat avec leur label de départ, Decca Records. Ils étaient en délicatesse, voilà. Ils avaient envie de voler leurs propres ailes. Bon, ça faisait partie de ces contrats-là qui spoliaient complètement les groupes, voilà. Donc, il fallait quand même honorer le contrat en livrant un dernier single. Et là, les Rolling Stones se sont dit, enfin, surtout Mick Jagger, s'est dit... Bon, ils veulent un single, on va leur donner un single. On va leur faire une belle surprise. Donc, il se met en tête de faire la pire chanson possible, la plus obscène, la plus indiffusable possible. Une chanson qu'on peut qualifier de pornographique. Oui. Quoi. C'est indiffusable par les paroles, hein, pas par les paroles. Par les paroles. Ouais. Une chanson qui est outrancière, quoi, dans ce qu'elle raconte. C'est l'histoire d'un jeune homme qui arrive à Londres. et qui en gros demande aux passants où il peut aller se faire souffler dans le flutio, quoi. Hein, bah, allez voir Van Morrison, il en a plein. Il y a un passage où il est question d'un policier et de son gros bâton. Enfin, c'est voilà, bon. Résultat prévisible, bah, finalement le label dit non, on va pas sortir la chanson. Et donc ils ont ressorti Street Fighting Man et puis un autre, je sais plus quel autre morceau en face B. Voilà. Ce qui est rigolo, parce que je trouve rigolo, je me suis rendu compte en écoutant là. Alors la chanson en elle-même, c'est une sorte de blues. Blues crapouette. Ouais, avec la voix un peu craspec. Mine de rien, les accords de la chanson sont presque ceux d'Engie. La chanson Engie qui est l'inverse, quoi, qui est l'archétype du tube commercial facile des Rolling Stones, un peu sucré, enfin voilà. C'est pas la même chanson, mais il y a quelque chose d'un peu annonciateur dans les accords de Cocksucker Blues. Voilà. Bien. Donc le blues de la zigounette, c'est maintenant. Le blues de la zigounette, si tu veux. C'est dans On the Rocks et c'est un joli suicide commercial. Ouais. Just came into town. Yeah, I'm a lonesome schoolboy. I just came into town. Well, I heard so much about London. I decided to check it out. Well, I wait in Leicester Square with a calm and a look in my eye. Yeah, I'm leaning on Nelson's column. All I do is talk to the line. Oh, where can I get my cocks up? Where can I get my ass up? I may have no money, but I know where to put it every time. If it only locked me up for the night. Well, I had pigs in the farmyard. Some of them, they're all right. Well, he fucked me with his truncheon. And his helmet was way too tight. Oh, where can I get my cocks up? Where can I get my asper? Well, I ain't got no money, but I know. Si on avait encore qui doutait que Mick Jagger était un grand chanteur quand même, ouais, ça ferait ouais. Voix quand même là. Voilà, c'était enregistré avec le même appareil que Bruce Springsteen. C'est ça, le pas beaucoup de pistes. C'était donc les Rolling Stones avec Cocksucker Blues. Dans The Rocks, c'est bientôt fini. On aurait plein de trucs encore à vous diffuser. Alors, Laurent Voulzy, Recollection, quand même très très beau suicide commercial, puisque bah oui, parce qu'en fait, ça avait été un énorme succès, mais à chaque groupe qui joue un petit peu dans le truc, fallait payer. Il n'avait pas prévu ça, donc ça l'a ruiné. Prince qui a sorti un album glissé dans Courrier International pour 3 €. Donc voilà, donc ça c'est pareil. Sting qui sort un album de musique baroque, les Clash qui sont complètement mégalos sur Sandinista qui disent tiens, on peut tout faire, ça marche. Non, bah non, en fait pas tout. Et puis Jude, ah ça c'est beau aussi, qui avec le morceau Cuba avait sorti sur un gros label un morceau qui voulait sortir, un morceau qui critiquait son gros label, donc il s'est fait virer et puis depuis c'est un petit peu compliqué. On va se terminer avec The Fireman. J'évoque quand même Nirvana que j'avais mis de côté avec l'album In Utero. Oui. Qui est alors le suicide commercial. Bon, qui a donné lieu à un vrai suicide après, mais en attendant, le suicide commercial le moins réussi du monde, puisqu'ils ont vendu quand même énormément de disques. Oui. C'est quand même assez audible. Ah ouais, dans la version qui a été commercialisée. Mais au départ, la maison de disques a fait la tronche. Hein. Oui. Ils ont dû refaire quand même pas mal de trucs. Et donc, on va finir avec un morceau d'un album qui s'appelle The Fireman. Je sais pas si tu connais ça. Non. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé des Beatles. Généralement, les suicides commerciaux, un peu comme Laurie, c'est un petit peu, on va explorer, on va gratouiller un peu à droite à gauche. Et s'il y a quelqu'un qui ne cesse jamais d'explorer et qui ne le cesse toujours pas, c'est Paul McCartney. Mais c'est un pseudo de McCartney. Alors en fait, il s'est accoquiné. Alors à l'époque, on ne savait pas que c'était lui. Ça s'appelait donc The Fireman. Oui, oui. C'était au début. Je n'aime pas la date. C'est pas bien ça. Je crois que c'est, je dirais, au début des années 2000. Mm-hmm. Il s'est accoquiné avec un bidouilleur qui s'appelle Youse. Et donc, ils ont sorti ça. Alors là, c'est vraiment de la bidouille. C'est-à-dire que là, je pense que c'est McCartney qui tient la guitare. Mmh. Et puis, ça explore. Alors, c'est pas désagréable à écouter. C'est des longues plages un peu d'exploration. Complètement invendable. Mais contrairement à Lennon et sa Yoko à Walpé, et ben là, ça se laisse vraiment écouter. C'est assez sympa. Alors après, ça s'est su que c'était McCartney. Ils en ont fait un deuxième. Et là, ça ressemble plus à des chansons. McCartney chante, on reconnaît sa voix. Mmh. Donc on dirait un album solo de McCartney, un peu expérimental, mais solo. Mais là, voilà, on va se passer un extrait de cet album, le premier album de Fireman. Donc c'est Paul McCartney et Youse avec Watercolor Guitars. Youssoundour. Watercolor Guitars et donc tu sais ce que t'en penses, mais moi j'aime bien ça et merci beaucoup Sylvain d'être venu ce c'est soir. C'est moi qui te remercie de ton invitation et je pense qu'il faudrait que la prochaine soit plus proche. Mais parce que c'est stimulant pour ton âge, c'est stimulant pour ton esprit, pour mon activité cérébrale. Et oui, donc je te le conseille. Le prochain thème, alors un jour ça va être quand même presque. C'est quoi le presque? Homonyme ou presque. Homonyme ou presque. Ah, mais oui, bon. Je pense que je vais être mauvais dessus, mais je recule sur celui-là. The Fireman, donc, mercredi, concert des Delgrès, je vous conseille vraiment à l'Astrolabe. J'y serai avec une petite interview de Pete Blom, qui sera diffusée la semaine prochaine, et après, petite pause pendant les vacances. Et je rappelle à tous les groupes qui m'écoutent ici ce soir, y compris derrière la vitre, que vous pouvez envoyer vos petits morceaux spéciaux 30 ans dans The Rocks pour une diffusion. Voilà. Ça peut mettre un sifflotis, vous voyez, ça peut être à la bec. C'est possible. Voici donc, ça s'appelle Fireman et c'est Paul McCartney, décidément, ce polo alors incroyable. muito especial quando se mexe na equipa técnica. Obviamente tem que haver bons resultados, pior não pode ficar. E por isso claramente é um sinal de alerta que deixa, obviamente. É um sinal de alerta, é um sinal de um desafio novo, onde os jogadores poderão ter todas as oportunidades. Há sempre um corte com o passado, é natural. E o Bayer Leverkusen mostrou o que vinha e recordou que tem qualidade no plantel, como é evidente. Agora o Porto só tem que ganhar, quer dizer, não há nada a fazer. Não vale a pena estar a chorar os 6 pontos perdidos nas 2 primeiras jornadas. Bom, tem aqui margem para respirar um pouco mais, retirar alguma pressão eventualmente, porque o empate não altera a classificação, o confronto direto com o Bayer Leverkusen. Mas está tudo muito embrulhado. E vamos ver o que é que o Atlético de Madrid faz frente ao Clube Bruges, que é claramente a surpresa desta Liga dos Campeões, com 3 vitórias, não é? Importante ver, mas de qualquer maneira o Porto tem que entrar com a ideia de que tem que ganhar este jogo e tem que ganhar os outros dois. E não pode andar com meias tintas, quer dizer, não vale a pena estarmos aqui depois com a máquina de calcular na mão. Aliás, já temos, o grupo está muito repartido, estão as 3 equipas do fundo estão com 3 pontos e o Clube Bruges está com 9, por isso isto está uma grande confusão. E o Porto, se quer passar, tem que ganhar fora, quer dizer, tem que ter esta ambição e tem que ter esta convicção que pode ganhar fora, mas pode ganhar contra uma equipa que agora, de facto, está com um ânimo diferente, que é natural que esteja com um ânimo diferente quando conquista, se não estou em erro, a segunda vitória do campeonato agora por 4-0. Vejam bem como é que estava o Bayer Leverkusen para estar neste estado, não é? Mas vamos ver, quer dizer... É uma semana que fica marcada, obviamente, pela indisponibilidade de Pep. Sim. Já não está, não foi a jogo frente ao Portimonense, atualizando, e portanto não vai contar aqui, enfim, mais um reajuste. Numa fase em que seja concessão, parece conseguir afinar, digamos assim, as opções menos boas do início da prova. É verdade, mas o Pepe já todos percebíamos que não iria jogar os jogos todos deste campeonato, e anda a ser poupado, e bem, tem havido a gestão do Pepe, e vai ter que haver cada vez mais, é natural que aconteça. Ninguém estava à espera desta lesão, que vem numa altura terrível, tanto para o jogo da Liga dos Campeões, como daqui a 15 dias, praticamente, ou menos, do Porto a receber o Benfica no Dragão. Será para aí que o Telmo olha, quero ouvi-lo, enfim, sobre a semana do Porto. E este o problema que aí vem, mas são 2 grandes desafios que o Porto tem que superar. É justo passar-lhe a palavra neste momento da emissão, porque obviamente esse jogo aproxima-se. Telmo? Esse jogo ainda vem distante, não é? Ainda há, na próxima ainda há o PSG semana. Amanhã, ainda há um jogo para a taça, ainda há um jogo daqui para a taça jogos. Que é preciso ganhar também, portanto isso vem distante. Agora é o próximo jogo do campeonato, isso é, e eu repito aquilo que disse aqui a semana passada, quer dizer, eu acho que, enfim, neste jogo do Porto que o Nuno estava a comentar, há uma coisa curiosa, é que para o Nuno, o adversário do Porto é sempre uma equipa extraordinária, não é? Quer dizer, o Bayer Leverkusen parece o Bayern de Leverkusen, descrito por ele, então com o Xavi Alonso. Bem? Com o Xavi Alonso deve ser uma coisa esmagadora, e enquanto que o adversário do Benfica só lhe faltou dizer que tinha havido um problema com o pequeno almoço. Bom era o Basileia, não é? O Neymar. Sei que era bom. O Bruges. O Neymar, o Mbappé e o Messi tinham tido um problema ao pequeno almoço, ou que os ovos não vinham bons, ou qualquer coisa, e que não estavam nos seus dias. Só faltou dizer uma coisa desse género. Quando, quer dizer, qualquer um desses jogadores vale a equipa toda do Porto e do Benfica e do Sporting juntos, não é? Quer dizer, vale em termos financeiros, não em termos de qualidade, como se demonstrou. Esta equipa do Bayer Leverkusen é uma equipa interessante. É uma equipa capaz, e eu acho até que o Porto, eu vi o jogo, acho que o Porto teve até a sorte do jogo, não é? Quer dizer, porque aquele avançado que, felizmente para os clubes portugueses e para a seleção nacional, que não marca o Diogo Costa, tem um problema com a marcação das grandes penalidades, o Chico, não é? Falha aquela grande penalidade. Se ele não falha aquela grande penalidade, o jogo podia ter sido completamente... Não, desta vez não falhou o guarda-redes, defendeu-a, da outra vez é que falhou, foi ao oposto. Mas é muito mal batido, quer dizer, é muito denunciado, é fraco. Tudo bem, não estou a tirar mérito ao guarda-redes, que fez uma defesa, mas o penalti é muito denunciado. E, portanto, aquele momento do jogo, até pela carga emocional... Sim, que o gol tinha sido anulado. É um gol que, aparentemente, os jogadores estão a festejar o gol. De um momento para o outro não é gol e é penalti contra. Podia ter tido um efeito terrível no Porto e no jogo. Acabou por não acontecer e o Porto acaba por chegar à vitória. Não estou também a desmerecer na justiça. Agora, eu acho que o Porto, enfim, o jogo Portimão não vale a pena comentar muito. Eu acho que, não sei se ainda já havia mais do que um canal de televisão da última vez que o Porto perdeu pontos em Portimão, porque isso é uma coisa que não tem história, não é? O Porto em Portimão ganha sempre e não era desta vez que ia mudar, apesar de, como disse o treinador do Portimonense, eu estou de acordo com ele, se o Portimonense tem feito e teve muito perto disso ali um golo na parte final, talvez o jogo tivesse sido um bocadinho mais de interesse e um bocadinho mais de emoção, por assim dizer, mas o Porto tranquilo. Há mais de 20 anos, há cerca de 20 anos. Pronto, e portanto realmente já é uma coisa muito antiga. Não tão antiga como eu pensasse, mas já relativamente antiga, já é um clássico, por assim dizer. Também vi um frango do guarda-redes do Rio Ave esta semana. Engraçado. E vários do Sporting em Marselha, mas isso é outro assunto. Já falaremos sobre isso. Uhum. Sim, vamos mudar de assunto. Estou a sugerir, mas sim, está na hora. Sim. Só para terminar, a dizer, no entanto, eu acho que o Porto vai estar bem, quer dizer, para o clássico. E eu acho que é um jogo de tripla, como é evidente, quer dizer, e acho que vamos ver como é que o Benfica se dá nesse jogo, não é? Quer dizer, até aqui há uns tempos atrás, além desta história da falta de rotatividade, que era a grande crítica ao Schmidt, parece que já está ultrapassado, a primeira grande crítica era: esperem lá para apanhar equipas mais a sério. Eu não sei se o PSG ou os Juventus já são equipas a sério, mas vamos ver no Dragão com uma equipa mais a sério como é que vai ser. Para quem não viu as emissões anteriores, o Telmo está obviamente a falar. Não, é que nós íamos ganhando e íamos ouvindo: ah, não, esperem lá, isto não haveram as equipas a sério. Vamos lá ao Dragão. Aparentemente, os Juventus em Turim não é a sério, não, porque estão fraquíssimos, não é? Estaria. O PSG também não era a sério na Luz, mas quer dizer, pronto, vamos ver, pode ser que seja no Dragão. Luís fechou aqui com esta, enfim, olhando, obviamente. É um jogo tripla, no entanto. Para estes três jogos do Futebol Clube do Porto, e tendo mais atenção em relação ao desafio com o Bayer Leverkusen, o Futebol Clube do Porto fecha aqui um melhor ciclo deste início de prova. Está a correr bem. Podemos dizê-lo. Está a correr bem, sim, claro, comparado com aquilo que foi alguns ameaços no princípio do campeonato, em que as coisas na realidade não correram bem e em que se olhava para o plantel do Futebol Clube do Porto e parecia que tinha tido um grande desbaste, chamamos assim, afinal de contas, Sérgio Conceição parece que mais uma vez está a conseguir inventar do nada outra equipa de futebol, não digo com o potencial que outros do Futebol Clube do Porto tiveram, mas uma equipa passadas. Futebol, sim, mas uma equipa de futebol que se bate com dignidade e que é capaz de criar problemas a adversários já de alguma monta. E não há dúvida nenhuma que se alguém aqui merece os parabéns e o chapéu, não é? É Sérgio Conceição, porque na verdade ele vai inventando do nada e está, de certa forma, a habituar mal os adeptos. Isto sem Sérgio Conceição vai ser complicado. Agora, a equipa parece Taremi muito forte, não há dúvida nenhuma. É um jogador que marca e dá a marcar, o que não é normal, não é? Eu até me atreveria a dizer que ele é o melhor, que é um dos melhores marcadores e um melhor 9 e um melhor 10, digamos assim. De acordo com está a manter-se cada vez mais de pé, não é? Não sei se a imagem é muito feliz, mas... E cada vez se mantém mais de pé, até. É, mantém-se de pé, contrariar o regime iraniano, mergulha menos. Acho que sim. Essa do regime iraniano não se compara, se calhar, à qualidade do Brooks, não é? Porque cada vez que se fala dos Brooks, quem tem o Brooks tem tudo, não é? Agora anda por cima da água. É uma coisa engraçada. Cada vez que se fala dos mergulhos do jogador, vem o regime iraniano. O Brooks é que é bom. Na Ucrânia, ou não, mas não há dúvida nenhuma que o Futebol Clube do Porto aparece agora com outra força e por isso é curioso. Estão a falar do derby, que ainda não está à porta, mas já aquece. Vamos ver, porque também eu estou curioso. O clássico. Sim, o derby não. São duas. Nós somos o maior clube da cidade do Porto, mas não é considerado um derby. Se pensarmos. Em Portugal, o Benfica é o clube com mais adeptos na cidade do Porto, mas ainda não é considerado um derby. Como região da União Europeia, podemos considerar um derby. Sim, só se dessa perspectiva. Não, é pelo número de adeptos do Benfica da cidade do Porto, mas não é um derby. Mas não é seguramente. É um bom lapso, acontece-nos a todos. Faz parte. E aos melhores, meu caro. Bom, o Luís encerra aqui a reflexão sobre o Porto. Não sei se querem acrescentar mais alguma coisa, mas já agora, precisando, em 1987, portanto são mais de 30 anos, a última vitória do Portimonense frente ao Porto aconteceu... 30 anos. Exatamente, 14 de março de 1987. Entretanto, também tive que procurar. Falemos um pouco do Sporting. Calma, há pouco, obviamente é o Luís que se vai alongar mais sobre o tema, mas há pouco fizeste um comentário sobre aquilo que o Sporting não conseguiu fazer contra o Marseille, não é? E não estavas propriamente a falar de Adam. Esta é uma semana em que há guarda-redes que comprometem Jonathan na baliza do Rio Ave, obviamente não me lembrava isso há pouco, ao colocar a bola na própria baliza, Adam frente ao Marseille, em dois lances que são decisivos. O que é que ias dizer sobre o Sporting, então, na Marselha? Não, era basicamente lembrar isso, porque, quisermos lá ver, a referência ao guarda-redes do Rio Ave dá, de facto, um lance caricato, um frango estranho, não é? Uhum. Mas é diferente do lance do Ave. É diferente, mas é, de facto, estranho. Mas acontece. No futebol juvenil até aquilo acontece muitas vezes. Sim. O guarda-redes não tem noção de onde é que está, não tem, uhum, não percebe que está mal posicionado, não é? Quer dizer, ou que não pode ir com a bola para ali. E, portanto, uma coisa disparatada, quer dizer, absolutamente disparatada, mas acontece a todos, quer dizer, e é isso que eu sublinharia, porque o guarda-redes do Rio Ave, curiosamente, a seguir a esse lance, o rapaz, à semelhança do que aconteceu com o Adam, e isso é que foi mais preocupante, na minha opinião, no Adam, podia-se ter ido abaixo, e não foi, faz três grandes defesas a seguir, não é? Ele a seguir faz três grandes defesas, uma ao remate do João Mário, que ele vai buscar ao cantinho, buscar um remate do João Mário ao cantinho, defende uma cabeçada do Gilberto à queima, não é? Faz três grandes defesas a seguir, e depois na segunda parte volta a atrapalhar-se um lance com os pés, infelizmente para ele, infelizmente para o Benfica, não deu mais um gol, porque seria, sublinharia ainda mais a goleada. Agora, acontece a todos os guarda-redes, quer dizer, em relação ao Sporting, para mudarmos? Aquele momento do Adam é, de facto, desastroso em Marseille. O primeiro, principalmente, o segundo coloca a bola no adversário, e depois, não contente com isso, ainda se conseguiu fazer expulsar, portanto é um dia completamente de um guarda-redes que é um bom guarda-redes. É um bom guarda-redes, foi importante. E aliás, é importantíssimo na vitória do Sporting. E agora, Santa Clara, no campeonato, assim, volta a estar, se bem de certo que aquela coisa de Salvador e extraordinário e tal, também não achas que ele teve ao nível de um bom guarda-redes, claro, que é o que é suposto ele fazer, sim, no jogo com o Santa Clara, não é? Aquilo que aconteceu em Marselha é que não é suposto nem é normal, mas acontece a todos, quer dizer, ainda bem que não foi com o Odisseias, coitado do rapaz, triste. Curiosamente, o Sporting não perde a liderança, ao perder, ao ser derrotado pelo Marselha, não perde a liderança no grupo. O Tottenham continua a ter dificuldades para vencer fora, empatou com o Frankfurt, estou só a recordar, mas o Marselha arrebitou, obviamente. Mas o Marselha perdeu. O Marselha, se calhar, não contava ter estes três pontos a meio da qualificação. E da maneira como o jogo começou, nada indicaria que o Marselha fosse buscar estes três pontos e com um resultado. Sim, o Sporting tinha tudo a favor, o estádio vazio, exatamente, só com adeptos do Sporting, que entra a ganhar, O que é que muda? Muda alguma coisa no roteiro de qualificação do Sporting? Este resultado altera alguma coisa, Luís? Convém que o Sporting reajuste agora cá o jogo, os pontos no jogo cá com o Marselha. O Marselha perdeu este fim de semana. Foi surpreendido pelo Ajaccio, 2-1. Que é uma equipa do final da tabela, 2-1 no Belo Dome. E o Marselha tem aqui um dado curioso. É evidente que vale o que vale, são os dados, mas nas Champions... nas últimas 9 saídas nunca ganhou o Marseille, e por isso o Sporting tem aqui, por aquilo que é o historial do jogo, também uma chance de recupor os seus pontos em Alvalade, aquilo que não fez, que não fez em França. E se o fizer, obviamente, empate ou vitória garante o primeiro lugar a 2 jornadas do fim. Pronto, e eu acho que com a equipa, com a defesa... Vamos ver, o Sporting tem tido muitas dificuldades na defesa, que é normalmente de onde a equipa era mais consistente, de onde tinha mais... onde apresentava mais consistência, e tem tido muitas dificuldades. As ausências do Porro e do Coates são sempre muito mais nesta equipa, não é? Não estou com isto a justificar que o Adam sente a falta de ter um homem à frente, um capitão como é o Coates, mas é diferente, mesmo para um guarda-redes, não é? A confiança é completamente diferente, como é para um central, um guarda-redes que está atrás, claro, não é? E por isso são jogadores que têm muitos jogos, têm muitas horas de jogo juntas, têm muita confiança, sabem onde estão quase olhos fechados, onde, como é que resolvem as situações do jogo, e por isso o Sporting tem aqui uma oportunidade outra vez de, e depois é evidente, por mais esforçado que sejas, Gaio não é Porro, não é? Porro resolve, Porro desequilibra, Porro defende e ataca, Porro é uma dor de cabeça, não é? Daquele lado, não é? Gaio não é. E por isso Jogai também é uma dor de cabeça, mas ao contrário, ou tem sido, tem, coitado, também, pronto, e é bom, tá jogador, bem, coitado, mas é um jogador, nem sempre as coisas, é preciso também ver o que é que corre bem, não ver só o que é que não, eu gosto mal do jogador, só que não tem tido a sorte de falar. Um jogador que deixa tudo dentro do campo, muito muito raçudo, é um jogador que merece, e estas coisas agora das redes sociais matarem os jogadores com as facilidades, uhum, tal, não é nada bonito, e nós que temos a sorte de ter microfones à frente, não devemos alinhar nessas crueldades e nesses assassinatos de caráter que muitas vezes fazem, como eu vi, li agora ao jogador, ao guarda-redes do Rio Ave. Não, o guarda-redes do Rio Ave, quem vive futebol jornada após jornada, percebe que é um ótimo guarda-redes, um dos melhores guarda-redes da primeira liga. São patifarias, sim, são crueldades. Para encerrar, e por isso eu tenho muita esperança que o Sporting ganhe ao Marseille. Uhum. É uma esperança legítima, é uma esperança fundamentada. Não gostei, não fiquei de coração cheio com a última exibição do Sporting em Santa Clara. Achei fraquinha, no Santa Clara, em São Miguel. Achei que o Sporting pode, deve e até tem equipa para fazer muito mais, mas tenho esperança fundamentada que o Sporting consiga agora resolver aqui com o Marseille, a fazer os três pontos e pronto, e resolver esta questão da... Nuno, foi um jogo totalmente anormal, um acidente. Como é que tu... Ou seja, de repente o Sporting tem outra cara, surpreendendo-nos nos dois primeiros jogos. Jogo que é consensual, foi surpreendendo frente ao Eintracht de Frankfurt e ao Tottenham, e parecia embalado para uma qualificação gloriosa. O que é que tu achas? Sim, entre qual é a imagem é estranho, do Sporting? Mas se lembrarmos que já perdeu contra o Boa Vista, contra o Chaves, que perdeu 3-0 no Dragão, uhum, que empatou 3-3 com o Sporting de Braga, percebe-se que haja esta montanha russa, quer dizer, é um Sporting que eu acho que o treinador tem alguma desconfiança dos seus jogadores, não sei porquê, mas quer dizer, nada fazia para ver o Ruben Amorim que o Sporting tivesse tantos baixos nesta temporada. Tudo bem que teve uma excelente entrada na Liga dos Campeões, mas eu acho que o próprio treinador não consegue perceber porque é que a equipa rende tão pouco, ou tem rendido tão pouco, em jogos que é suposto render muito mais, não é? Como era o caso do jogo com o Marseille, tendo em conta as condições, jogo à porta fechada, e o Marseille não é, entrou bem, não é o Tottenham, e obviamente por exemplo, é o que o Marseille está a fazer, sim. Sim, não é o Tottenham, por isso acho que o Sporting podia e devia ter feito melhor. Uhum. Não se percebe este apagão, claro que Adam está muito ligado à desgraça do Sporting, mas pronto, acho que tem tudo para fazer melhor na quarta-feira. O Sporting acho que pode estar muito motivado com os seus adeptos, com outro ambiente, com a confiança que a Alva do Lado lhe tem transmitido, e por isso acho que o Sporting tem tudo para dar a volta por cima e de ganhar o Olympique de Marselha, não vejo porque não. E acho que vai acontecer, com sinceridade, acho que vai acontecer. Acho que o Ruben Amorim vai fazer aqui qualquer coisa de diferente em Alvalade para que estes jogadores rendam o que não têm rendido até agora de uma forma constante. Continua a ter bom plantel, continua a ter jogadores que desequilibram, por isso não vejo porque o Sporting não possa dar a volta por cima. Telmo, último minuto. Esperas que o Sporting faça um resto de prova na Liga dos Campeões, sobretudo, melhor, e que corrija já frente ao Marseille aquilo que fez de errado no Velódromo de Roma? Acho que o Sporting, ao entrar com duas vitórias, acabou por entrar bem, não é? Quer dizer, se fizer uma segunda volta igual a essa primeira, estará apurado, não é? Quer dizer, portanto, isso em grande dificuldade. O Sporting, de facto, tem momentos onde a coisa não parece bem, quer dizer, parece de 3 em 3 semanas ou de 15 em 15 dias, há ali um jogo que corre francamente mal. E este foi o jogo. E este foi o jogo, quer dizer, neste caso, muito ligado à expulsão, muito ligado ao frango inicial. Mas em qualquer caso, estes jogos acontecem com o Sporting. Portanto, agora, Este jogo é um jogo muito interessante, quer dizer, porque eu acho que o Marselha vem convencido que pode voltar a ganhar e claramente virá motivado. Uhum. E o Sporting terá que o contrariar, quer dizer, e portanto terá que demonstrar que afinal não é bem assim, quer dizer, mas acho que é um jogo interessante. Uhum. E vamos esperar pelos desafios europeus da semana. Vamos às impressões finais desta edição dos Grandes Adeptos, deste encontro, nesta segunda-feira, Nuno, o pior da semana. Olha, o pior é esta gincana financeira entre a Federação Portuguesa de Futebol e Fernando Santos, que não ficou bem para nenhuma das partes e as justificações foram mesmo pífias, por isso cada um interpreta como quiser, mas não ficou bem nem para a Federação nem para o Fernando Santos. Outro apontamento é esta, a terceira derrota do Sporting de Braga nos últimos três jogos. Uhum. Desde que apanhou os 4-1 no Dragão, as coisas não têm corrido bem e de repente o Sporting de Braga esfumou-se contra todas as expectativas que nós todos até tínhamos até então, não é? Sim. Por isso há aqui qualquer coisa que não está aqui a correr bem. Sim. Sim, também debatemos aqui há duas semanas com o Fernando Almeida Santos. Como de repente tudo desaparece, não é? Telmo, pior da semana? Isto do Braga, eu de alguma forma tinha dito que achava que aconteceria mais tarde ou mais cedo. Mas sim, estou de acordo com o Braga, estou de acordo com a Federação também, o Braga sobretudo na Europa, a perder, estava a ganhar qualquer jogo a acabar, não é? Uhum. E sofre dois golos de rajada, portanto, falta de consistência. Estou de acordo com a questão da Federação e sublinharia também, obviamente, já falámos aqui disso, o Sporting goleado em Marselha. E mais um morto no futebol, desta vez num jogo do Boca Juniors, do Ginásio, portanto mais um episódio de violência com um morto, mais uma vez na Argentina, onde estes episódios infelizmente têm sido recorrentes e portanto não queria deixar também de colocar no pior. Luís? Olha, eu ficaria por aquilo que o Nuno falou que, relativamente à Federação Portuguesa de Futebol e a contratos. Acho que toda a gente fica mal naquele retrato, não sei qual é as necessidades destas habilidades / engenharias fiscais que, de forma alguma, favorecem a reputação do futebol português e de instituições de utilidade pública, como é o caso da Federação Portuguesa de Futebol. Um tema no pior da semana e vamos ao melhor, Luís. Mais uma vez, o Leiria, na Liga 3, agora quase a 9 mil espectadores em casa contra o Belenenses, que por acaso ganhou 4-2. Uhum. Telmo, o melhor? Olha, eu, obviamente, o Benfica, a exibição, a vitória goleada sobre o Rio Ave, mas sobretudo o empate com o PSG, um jogo absolutamente extraordinário, Odisseias e Donnarumma, já aqui falámos. Já agora destacar uma coisa, que é o Estádio da Luz, quer dizer, a imprensa internacional, designadamente os jornais franceses, referem-se à Luz, nós costumávamos chamar-lhe inferno, eles falam de vulcão. E de facto o ambiente esteve absolutamente fantástico nestes últimos jogos e no jogo com o PSG, então, absolutamente extraordinário. E some também, obviamente, os primeiros três pontos do Futebol Clube do Porto ao vencer o Bayer Leverkusen. Que belo dado. Nuno. Não, estas exibições do Porto. Não, eu gostei deste mimo. Eu gostei deste mimo do vulcão dos capelinhos. Do vulcão dos capelinhos do Luz. Mas vou só destacar para que saia bold a letras grandes e gordas. Ronaldo, 700 golos, aquilo que tu começaste por a emissão. Sim. Merece um golo da vitória contra o Everton fora de casa. Acho que o Ronaldo precisa destes momentos e acho que oxalá que venham muitos até ao Mundial e que no Mundial também aconteçam. Ronaldo com acerto na vitória do Manchester United por 2-1 frente ao Everton, foi o gol que consolidou a reviravolta. Seguimos a semana europeia, PSG Benfica, Bayer Leverkusen Porto e Sporting Marseille, a Liga dos Campeões e ainda o desafio entre Real Union, Saint-Gilloise, Braga na Liga Europa. Desafio entre os primeiros. Na próxima semana, os grandes chegam à Taça de Portugal, terceira eliminatória, Caldas Benfica, Anadia Porto, Varzim Sporting, Felgueiras Braga, a festa da Taça faz-se também na Antena 1. O Tondela Santa Clara, Penafiel Vizela e Trofense Famalicão são os jogos mais equilibrados a risco. Podem ser os jogos mais equilibrados envolvendo equipas das duas primeiras ligas. Os grandes adeptos regressam à tribuna da rádio na segunda-feira. Fiquem bem, saúde, até à próxima emissão. Boa noite, são 8 horas, 7 nos Açores. Sem bola de cristal, o Presidente da República diz que o orçamento para o próximo ano é de incertezas, não pode agradar a todos. Marcelo Rebelo de Sousa adianta que as contas do Estado vão depender da crise e, em particular, da inflação. A Ucrânia não se deixa intimidar, é o aviso deixado esta tarde pelo Presidente Volodymyr Zelensky, depois dos vários ataques de Moscovo em território ucraniano que provocaram 11 mortos nas últimas horas. Previsão do tempo para amanhã, continente, nuvens com aguaceiros, subida da temperatura máxima. Madeira, chuva fraca, Açores, aguaceiros no grupo oriental. Nesta hora, o Porto está com 17 graus, Lisboa 18, Faro 19, Funchal e Ponta Delgada estão com 22 graus. Edição a esta hora com Nuno Rodrigues. É um orçamento a navegar à vista. O Presidente da República avalia assim as contas do Estado que o Ministro das Finanças apresentou esta tarde. Marcelo Rebelo de Sousa lembra que não tem uma bola de cristal e assume que as previsões do Governo são mais otimistas do que ele próprio esperava, num contexto que é de grande incerteza, apesar da folga orçamental deste ano. Reconheço que é um orçamento que parte de uma situação com folga em 22, gera essa folga sem correr muitos riscos, partindo do princípio que a situação vai evoluir favoravelmente naquilo que neste momento é mais doloroso para os portugueses, que é a subida dos preços. Não há confiança a mais, então, perante tanta incerteza? Há uma confiança do governo quanto a que a inflação não vai subir, disparar, nem vai continuar muito alta. Aí há confiança. No resto, o governo vai gerindo de tal maneira que, como se verá no ano que vem, tem sido a prática nos últimos anos, vai ajustando semana a semana, mês a mês, ao longo do ano, com a tal navegação à vista da costa. À margem de uma iniciativa em Lisboa, já depois da apresentação do orçamento, Marcelo Rebelo de Sousa comentou ainda a taxa que vai começar a ser aplicada aos lucros extraordinários das empresas do setor da energia. O Presidente destaca o simbolismo desta medida. Acho que era, sobretudo, um problema simbólico. Não era tanto um problema económico, quanto os milhões. Era um problema simbólico. Havendo, porventura, setores que beneficiaram mais do que normalmente beneficiariam pelo funcionamento tradicional ou anterior do mercado. Com uma situação crítica como a guerra, era importante simbolicamente que ficasse claro que também deviam pagar alguma coisa a pensar na coletividade. Pagar mais alguma coisa a pensar na coletividade. O Presidente da República e os lucros extraordinários das empresas ligadas ao setor da energia. Portugal vai começar a taxar esses lucros ainda este ano. A medida está prevista no orçamento para 2023, mas vai precisar de um diploma próprio para entrar em vigor ainda este ano, como explicou esta tarde o Ministro das Finanças, Fernando Medina. Está aqui no Orçamento de Estado para sinalizar também o seu impacto no que será o quadro fiscal do próximo ano, mas terá que ter uma proposta legislativa própria que faça com que entre em vigor ainda no ano de 22. Porque como o Orçamento de Estado só entra em vigor a 1 de janeiro de 23, se ficasse aqui no Orçamento de Estado, não asseguraria tributação em 2022.